Yeah. Le kit a dit j'avais des thunes dans mes poches. Double LG, un pour le business, pour mes proches. Le kit a dit que je faisais des meufs toute la journée. J'étais souvent hors ligne, plus facile pour pas te parler. Le kit a dit que la vie ici était facile. Ça complote dans le cockpit pour affler la mise. Vas-y, viens, on lâche les putes. Les putes vont courir, sourire moqueur pour l'état. Ma façon de réagir, injection du virus, des enceintes contaminées. Même si tu vas rester par terre parce que j'ai pas encore terminé. Mais qui t'a dit que je dénonçais, qui t'a dit que je renonçais. De la part de mon flow, il m'a dit de bien te baiser. Tu sens la pression, normal mon rap est chimique. On aime les prods durs, hardcore mélangés au chine. Fin du strip, salope, remonte ta culotte. Numéro 9, attaquant pour le hip-hop. Mais qui t'a dit qu'on t'a fait pour un single? Qui t'a mis la puce à l'oreille? Vas-y dis-nous wesh ma gueule. Mais qui t'a pris pour des vendus hein, mon gros? Qui t'a dit t'as des mauvaises sources dans ton ghetto? Mais qui t'a dit qu'on t'a fait pour un single? Qui t'a mis la puce à l'oreille? Vas-y dis-nous wesh ma gueule. Mais qui t'a pris pour des vendus hein, mon gros? Qui t'a dit t'as des mauvaises sources dans ton ghetto? Mais qui t'a dit qu'on visait la variété? Que mon équipe de ZES voulait rentrer dans les chars hein? Mais qui t'a dit que pour percer dans ce game, fallait faire des vidéos tout en posant près des putains. Range ton image, t'es loin d'être un caïd. Le monde m'a appris que rien ni personne n'est infaillible. Non, 60 saisons dans les pattes, mon rap te guette. Mon rap sort de mon studio sur un PC de Bill Gates. M'a appris que ce qui est dit est souvent détourné. Que les ducs un jour ou l'autre finissent par se faire détrôner. Fils de pute, mais qui t'a dit de pomper l'oseille à tes potes? Une carotte un jour ou l'autre finit par te briser les côtes. Mais qui t'a dit que je m'étais retiré du game? J'ai le nez dans les instants. Et quelques couplets qui traînent. Faudra compter sur mon art et ma monarchie attend. Il de cesse impatiemment. On arrive, on prend le temps. 2-0-0-8 Dédéno. Bah ouais. Marron Chip. 76 150. Mais qui t'a dit qu'on t'a fait pour un single? Qui t'a mis la puce à l'oreille? Vas-y dis-nous wesh ma gueule. Mais qui t'a pris pour des vendus hein, mon gros? Qui t'a dit t'as des mauvaises sources dans ton ghetto? Mais qui t'a dit qu'on t'a fait pour un single? Qui t'a mis la puce à l'oreille? Vas-y dis-nous wesh ma gueule. Mais qui t'a pris pour des vendus hein, mon gros? Qui t'a dit t'as des mauvaises sources dans ton ghetto? Mais qui t'a dit qu'on parlait mal et sans respect? Mais qui t'a dit qu'on aimait les policiers? Mais qui t'a dit qu'on crachait sur la Nemo mec? Mais qui t'a dit tous ces mythos? Le rap une tasse, mais qui t'a dit qu'on l'aimait pas? On aime le baiser le soir avec la fumée du Ketama. Et si ça marche, le manif à l'abri. Ça m'évitera de penser que j'étais des briques sur la brune. Sur un bouc et je leur mets bien les putains. Ils m'ont zappé, je reviens pour leur prouver que leur faux sert à rien. J'suis sur le net, vas-y va télécharger. Perso, j'm'en bats les couilles, la musique tu vas l'écouter. J'suis attiré par les liasses comme ma jeunesse. Génération, j'm'en fous, calibré entre les deux fesses. J'suis hal en indé comme la plupart chez moi. J'taffe pas mais j'ai des sous comme la plupart chez moi. Mais qui t'a dit qu'on t'a fait pour un single? Qui t'a mis la puce à l'oreille? Vas-y dis-nous wesh ma gueule. Mais qui t'a pris pour des vendus hein, mon gros? Qui t'a dit t'as des mauvaises sources dans ton ghetto? Mais qui t'a dit qu'on t'a fait pour un single? Qui t'a mis la puce à l'oreille? Vas-y dis-nous wesh ma gueule. Mais qui t'a pris pour des vendus hein, mon gros? Qui t'a dit t'as des mauvaises sources dans ton ghetto?